Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Écotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. On va parler de pêche, toujours la chronique intéressante avec notre ami Claude Roy. Claude, salut Claude, d'abord. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Claude. Si on parlait maintenant, donc, du côté, tu veux parler des embarcations cette semaine? Oui, c'est le problème, c'est que je le vois quand on vend des embarcations à notre magasin, c'est que les gens veulent charger le bateau. C'est-à-dire qu'ils veulent se servir du bateau comme une remorque. Okay. En réalité, la loi dit bien, les embarcations et les remorques qu'on vend avec sont balancées. Donc, si le bateau pèse, par exemple, 1000 livres, la remorque va avoir une capacité de 1000 livres plus le moteur, peut-être 1250, 1500 livres. Mais là, les gens disent, on part pour la pêche, on est 5 gars, 4 gars, puis là, ils décident de charger le bateau comme si c'était une remorque. Okay. Il faut faire attention parce que le gouvernement a mis maintenant les agents de la Sûreté du Québec font des inspections et même les gens du ministère du Transport font des inspections de bateaux. Donc, par exemple, c'est arrivé souvent dans la région de l'Abitibi où quand les gens montent pour le doré, ils montent avec un bateau rempli de matériel. Mmh. Et là, ça devient une charge beaucoup trop importante pour la remorque que vous avez achetée. Donc, oui, le bateau, il rentre du bagage dedans, mais il ne faut pas dépasser la limite qu'on va pouvoir supporter, que la remorque va pouvoir supporter. Okay. Et là, on se ramasse avec des bris, soit des crevaisons prématurées ou encore des bris de suspension. Et là, les gens nous reviennent en disant « Ouais, mais là, j'ai eu la remorque n'a pas tout fait le coup. »« Eh bien, pas tout fait le coup. Qu'est-ce que tu as fait? »« Ah, on l'a chargé un peu. » Mais je connais ça, charger un peu. Là. On va mettre toutes les caisses de bière, tout le stock de pêche, on va tout mettre. C'est correct, on pourrait mettre des sacs de couchage, on peut mettre de la petite épicerie. Mais il faut pas dépasser, tu sais, je te dirais qu'on mettra pas plus que 2, 3, 400 livres dans le bateau. Si on met plus que ça, on va se ramasser avec des problèmes au niveau de la remorque. Et en plus, comme les remorques sont faites pour un certain poids, la Sûreté... Pardon, excuse-moi. La Sûreté du Québec et les gens du transport vont surveiller ça. Ils peuvent émettre des contraventions parce que là, on a trop chargé la remorque. Donc, ça, c'est vraiment important, surtout les gens qui vont aller, par exemple, au Doré, sur le Gouin, et qui vont avoir énormément de routes forestières à faire. Si vous surchargez votre remorque, vous allez avoir des problèmes. OK. Parce qu'on n'y aura pas doublé les essieux, on n'y aura pas doublé les lames sur une remorque de bateau. À ce moment-là, on risque de briser notre bateau. La remorque est vraiment faite en fonction du poids du bateau qu'on achète. Donc, ça, c'est balancé directement des compagnies, puis il ne faut pas jouer avec ça. Et ça, c'est vraiment très important quand on fait nos voyages de pêche. Il faut penser à ça. C'est la pire période de l'année. Il y a le printemps où on voit ça beaucoup. Puis à cette période-ci de l'année, là, on va commencer à avoir des gens qui disent « Ben moi, je me transporte tant qu'à aller faire de la pêche. On va transporter un peu de matériel pour faire nos caches de chasse. » Il faut pas faire ça. Il faut pas se servir du bateau comme d'une remorque. La remorque n'est pas faite pour ça. OK. Donc, évidemment, c'est quelque chose quand même important à faire. Hey, dis-moi, Claude, la saison... Non, c'est... Oui, la saison, vas-y. La saison, comment qu'elle va dans l'ensemble? Ben, c'est sûr, tu vas me dire si... Écoute, ça dépend... Non, ça dépend pas. C'est difficile partout. On a les changements... Trop chaud, hein? ...qu'on a présentement. Oui, c'est trop chaud. Et quand c'est de la chaleur, je l'ai déjà expliqué, mais on va en reparler un petit peu. Quand c'est trop chaud, c'est que la pression atmosphérique est haute. Okay. À ce moment-là, notre poisson est lymphatique, il bouge pas, il se trouve une couche d'eau, on appelle ça une strate d'eau, il se trouve un endroit, puis il reste là, puis il bouge pas, puis il s'alimente pas. Il n'est pas capable de s'alimenter. Il y a le même phénomène de pesanteur que nous, on supporte avec l'humidité. le poisson supporte exactement la même pression. C'est ce qu'on appelle le facteur de la pression atmosphérique. Okay. Donc, quand il va faire, par exemple, il va avoir un creux dépressionnaire, il va avoir une averse, une ondée ou de la pluie, à ce moment-là, la pression atmosphérique vient de tomber. Là, le poisson va recommencer à s'alimenter. Mais dans une période où il y a gros soleil, grande chaleur, le poisson, il est pas équipé pour mordre. Donc, le truc que je vais vous donner, c'est bien sûr une traîne très, très lente et près de 8 pieds de monofilament derrière votre cuillère pour être sûr que l'appât que vous allez présenter va être très, très lent pour que le poisson puisse réagir à ça. Sinon, il ne mordra pas, il ne courra pas après des rapalas, il n'est pas capable. Il est exactement comme nous autres, si on voulait faire du jogging, quand il fait 39 degrés, on ne peut pas le faire. OK, OK. Donc, on va sauver ça aussi. Ben, Claude, un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup, oui, au plaisir. Notre ami Claude Roy. Hey,